l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bonjour Sophie. Bonjour Claire. Donc on est ici sur le campus de Bordeaux. On va se diriger vers un des jardins de l'association AOC dont oui. Tu fais partie. C'est ça, AOC, appellation Origine Campus. Alors, appellation Origine Campus, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un jardin partagé qui existe depuis 2010 et qui est à disposition des étudiants et de tous les riverains, de tout le monde en fait. Du coup, l'idée de cette association, c'est de permettre à tout le monde d'avoir d'abord une alimentation saine, c'est bien ça ? Alors bon, ça c'est l'idéal, parce qu'avant de produire des légumes et de nourrir tout le monde, il faudrait vraiment travailler beaucoup. C'est avant tout, je pense, dans l'esprit des fondateurs, un espace de convivialité, et bien sûr où on pratique la permaculture. Mais la productivité n'étant pas notre premier but, il faut faire avec la disponibilité des gens. Et voilà, on essaye effectivement, mais tout ce qu'on produit, on se le partage en fonction de nos investissements. Donc ce campus, il a une particularité, ce qui a certainement donné naissance à votre association, c'est qu'en fait, il est assez vaste et il y a beaucoup d'espaces verts, il y a beaucoup d'endroits où finalement on pourrait faire pousser des légumes. Oui, alors ils ont aussi, l'université a aussi des projets de végétalisation du campus, mais le jardin est né dans ce contexte et on travaille aussi en partenariat avec le SICDU, qui est le service de l'entretien de l'université. Donc ils nous permettent, c'est l'université qui nous prête le terrain, qui nous fournit l'eau et qui nous aide aussi parfois en nous donnant du BRF ou des choses comme ça. C'est exactement ça là, ce bruit, c'est ça. C'est donc en fait un tracteur qui broie. C'est ça, en fait le BRF c'est le bois raméal fractionné, voilà. Fragmenté. Donc qui nous sert à faire des lasagnes, c'est-à-dire du mush, une technique de culture pour enrichir le sol. Donc en fait, c'est les branches, c'est tout ce qui est coupé, le BRF, c'est des branches broyées. Et ça permet de faire, quand tu dis des lasagnes, ça veut dire de faire une couche de terre pour rendre cultivable quelque part un espace qui n'était pas forcément au départ. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le terrain n'est pas forcément bon au départ. Alors il y a plusieurs façons d'enrichir le sol. On se sert de fumier qu'on va chercher dans des centres équestres. Ou bien on pratique donc les lasagnes, ou d'autres appellent ça le mush, je crois, qui est une technique qui consiste à superposer des couches de vert. Donc le vert, c'est tout ce qui est frais, comme de la tonte de gazon, et du brun. Donc le brun, c'est par exemple le BRF ou les feuilles d'arbres, enfin les feuilles mortes, bien sûr. Et voilà, on fait deux ou trois couches comme ça, et ça donne une terre plus riche. D'accord, parce que donc les terrains que vous avez récupérés à l'association AOC sur le campus de Pessac, oui. Donc à côté de Bordeaux, c'est un terrain qui à la base n'était pas cultivé et du coup il fallait apporter quand même au sol. Oui, le terrain effectivement n'est pas excellent, parce que l'année dernière encore, enfin régulièrement on plante des arbres dans ce terrain et on a creusé pour planter un petit cerisier qu'on nous avait donné. Quand on a voulu planter cet arbre, on s'est rendu compte que le terrain était vraiment très mauvais et qu'il y avait des gravats, enfin il y avait toutes sortes de choses. Vous avez voulu creuser pour préparer le trou de l'arbre et vous êtes tout de suite tombé sur du caillou. La terre était très mauvaise, on va dire. Alors après, on peut l'enrichir effectivement aussi avec d'autres plantes. Par exemple, en plantant de la consoude ou encore... qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est la bourrache. La bourrache et la consoude qui sont très bonnes pour améliorer le sol et en particulier pour... accompagner les arbres. D'accord. Donc AOC a commencé à cultiver donc des terrains qui ont été mis à disposition par le campus oui. Universitaire. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça dépend du campus, en fait. Et alors, l'objectif, effectivement, c'est appellation, donc votre association appellation d'origine campus. C'est donc effectivement pas pour se nourrir forcément avec ces légumes, parce qu'il n'y a pas les quantités énormes qui sont produites, mais c'est pour sensibiliser, c'est pour respirer, c'est pour apprendre, c'est pour échanger autour du jardin. C'est la convivialité qui est visée en premier lieu. Et après, en fonction des années, des fréquentations, on est effectivement plus ou moins productif. Sachant qu'il y a parfois en été, il y a un petit peu un manque de personnes, puisque c'est quand même en majorité animé par des étudiants. Et les étudiants, ils bougent, c'est normal, et en été, ils sont en vacances. Donc, parfois, on se retrouve très peu nombreux l'été. Mais bon, le jardin survit très bien. Et voilà, et ça se renouvelle régulièrement. L'intérêt aussi d'ouvrir le jardin aux habitants, donc comme toi, c'est de créer du lien entre les étudiants et les habitants. Oui, je pense que c'est créer du lien et aussi transmettre toutes sortes de choses. Par exemple, il y a des gens qui habitent près d'ici, qui n'ont pas forcément le même âge, etc., qui ont eux-mêmes des jardins. Donc aussi, on partage nos savoir-faire, on partage tout en fait. Parce que c'est un jardin où on cultive tout ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas une parcelle par personne, comme ça se trouve parfois dans ce qu'on appelle les jardins familiaux. Ah ben là, ça y est, on s'approche, là. Certains jardins où les gens ont une parcelle, ici non, nous on partage tout. Et puis c'est un terrain d'expérimentation aussi. Parce qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit à faire des essais. Juste à côté de, c'est comme ça que la ressourcerie, qu'on découvre des choses aussi. Du tram, c'est facile de venir. Alors, c'est à côté. La station de tram la plus proche, c'est Montaigne-Montesquieu. Le jardin lui-même est situé entre l'avenue Bardanac et l'avenue Jean-Babin. Alors là, on a la route barrée par un énorme tas. C'est quoi ça? Alors justement, ça c'est un tas de BRF. Sans doute que le SIGDU ou le CROUS nous a déposé là, voilà. Alors le SIGDU, c'est le syndicat qui gère les espaces verts? C'est ça. Ils ont une partie de leurs locaux ici, en face, avec une serre qui nous prête aussi, dont on peut disposer. Voilà. En échange de... On a un partenariat aussi avec le SIGDU et on doit leur fournir des arbres. Une fois qu'on en aura... Enfin, on en a quelques-uns, mais... Ah, vous avez une pépinière, alors? Non, on n'a pas de pépinière, mais... Si on arrive à produire des arbres, on a des pommiers qui font 20 cm, mais si on arrive à produire des arbres, on va participer aussi au projet de l'université de planter des arbres sur le campus. D'accord. En échange de leurs services, des services qu'ils rendent au jardin aussi. L'accès au jardin, et ce qui est important, c'est qu'on a un espace de compostage sur le terrain qui est vague. À l'extérieur du jardin, justement, pour que les gens puissent déposer leurs déchets. Tous les jours, en fait, voilà. Tout le monde peut l'utiliser. Parfois, les gens en profitent pour connaître le jardin, mais souvent, quand ils viennent, il n'y a personne, parce que bon, il n'y a pas toujours quelqu'un. Nous, on se réunit tous les dimanches. Vous avez ce composteur-là, qui est de petite taille, au final, hein, pour la ville de Pessac. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce genre? Est-ce que sur le campus, AOC fait quelque chose d'autre que ça, je veux dire? Alors, sur le campus, AOC, non, il s'occupe que de celui-là. Mais ce n'est pas encore assez aidé. Il faut que les gens fassent la demande. Par exemple, pour le composteur qui a été installé sur le village 1, on nous a demandé de faire une enquête pour savoir si des gens seraient prêts à l'utiliser. Alors, c'est bien gentil, mais moi, je trouve qu'on pourrait très bien installer les composteurs et que de toute façon, les gens y viendraient. C'est un cas de la symbolique. Et voilà. Donc, bon. Mais on avance, mais très lentement, je trouve. Ça ne nous empêche pas de passer par-dessus. Attends. Alors que je le prenne bien. Voilà. Hop. On va y arriver. Hop. Ah, ça y est. On n'a pas trop de problèmes dans la... par rapport à d'autres jardins qui, paraît-il, se font dévaliser. Donc là, c'est l'hiver, donc effectivement, apparemment, il n'y a pas grand-chose, mais si on prend le temps de regarder... Là, le week-end dernier, on a fait justement ces fameuses lasagnes, on en a fait deux. Vos lasagnes, donc, elles sont maintenues sur les côtés par du bois pour gagner de la hauteur, au final. sur cette terre que vous avez enrichie avec le BRF et le fumier, donc ça fait des bacs en hauteur. C'est intéressant aussi pour l'ergonomie au niveau de... on se casse moins le dos. Oui, c'est un petit peu sportif le jardin, mais ça fait du bien. C'est une activité physique, oui. Alors moi, je cherchais des actions concrètes qui correspondent à la transition écologique. Et là, ce que je trouve, c'est justement un esprit collectif, la recherche justement d'un fonctionnement collectif. On vient tous les dimanches et on fait, ça c'est très convivial, on fait tous les dimanches, on fait un goûter. Et parfois, on fait un petit feu quand il fait nuit, on reste un petit peu tard, voilà, et on refait le monde, ça arrive aussi. Tu disais, donc toi, t'as appris le jardinage ici avec des habitants, avec des passionnés? Oui, moi j'apprends encore, hein, on apprend sur le tas. Le mieux, c'est d'observer, je pense. Bon, de lire aussi, on a quelques ouvrages de référence. On peut se documenter, mais le mieux, je pense, c'est de venir pratiquer, parce que le baba du jardinage, c'est quand même le terrain. En ce moment, on a 3 paysagistes qui font partie du jardin, donc c'est très bien, parce qu'ils sont tous... ils ont leur cours en tête, ils ont la théorie, et puis c'est très sympa, parce qu'ils confrontent ça à la réalité, et c'est très intéressant pour eux et pour nous aussi. J'ai du mal avec la hiérarchie, où on ne demande pas l'avis aux personnes concernées, souvent, où les gens du bas ne les écoutent pas, etc. Et ici, ben, c'est le contraire, parce que déjà, il n'y a pas de chef. Bon, c'est une association, donc il y a un bureau, et donc tout est à inventer, à partager tout le temps. Et ce n'est pas toujours facile, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Comment ça se passe, en fait, les prises de décision collectives au jardin? Je ne représente que moi, parce que moi, je ne suis que membre. Hein, donc, pour l'émission, voilà, si je dis des bêtises, les autres, il faudra m'excuser. Mais voilà, je m'en excuse d'avance, mais je ne pense pas dire trop de bêtises, j'espère. Les prises de décision, en fait, c'est en fonction des gens qui sont là, déjà. On voit ce qu'on peut faire en fonction de la saison. Après, quand il y a effectivement des prises de décision plus importantes, eh bien, on se contacte par mail, ou parce que tout le monde n'est pas là tout le temps, ce qui est logique. Moi, j'ai la chance de ne plus travailler, donc je suis disponible, mais je comprends très bien que quand on a travaillé toute la semaine, le week-end, on a droit aussi à faire une petite sieste ou pas venir au jardin. Il n'y a surtout pas d'obligation, bien sûr, ça doit rester un plaisir. Et donc, les prises de décision se font vraiment collectivement. Et voilà, donc les gens qui... On ne souhaite pas que quelqu'un s'approprie ou... ne tiennent pas compte de la vie des autres. Ça, c'est vraiment important. Thank you. Alors donc vous semez, vous plantez donc après concertation, hein, certainement, voilà, le mode d'organisation, le dimanche, vous décidez, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre. Et puis après, vous avez, c'est peut-être ça aussi le gros problème dans les organisations collectives, c'est que l'information circule bien, non ? Parce que là, quand on regarde votre cabane, elle est assez chouette, en fait, vous avez carrément laissé une zone où on peut écrire à la craie directement sur la cabane, fait d'un côté et à faire de l'autre. Et après, j'imagine, vous avez possibilité, voilà, de vous laisser des messages d'une semaine sur l'autre. Tout à fait. Alors, on a, c'est à l'intérieur de la cabane, si tu veux, on peut y aller. Bien sûr, on a tous nos outils. Et on a un cahier de... Alors, je vais chercher encore le système de clés, hein, parce qu'il faut quand même un petit peu protéger tout ça. Mais, bon. Justement, on... Ah, mais il y a quelqu'un qui l'a attaché, tu vois. Donc, on a un système de cahier où on note tout, parce qu'effectivement, quand on a mis des graines en terre, ça ne se voit pas forcément. Donc, quelqu'un peut venir après mettre autre chose. Donc, pour éviter ça, on est censé consulter le cahier, voir ce qui a été fait. Et bon, en général, ça se passe très bien, parce que les gens qui sont nouveaux ne viennent pas tout seuls. Ils viennent souvent lors d'une session du dimanche, par exemple. Et ils demandent souvent ce qu'on est en train de faire. Donc là, on note tout sur ce cahier. Et on a aussi, hop, dans le cahier, on a une fiche par parcelle. Et on a aussi, l'avantage, c'est qu'on peut suivre. Dans l'idéal, il faudrait pratiquer la rotation des cultures. Bon, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais le cahier permet ça, puisqu'on le conserve sur plusieurs années. Et ça permet de voir où on en est et de marquer ce qu'on a fait et ce qu'il y a à faire, comme c'est écrit ici. Alors, ce qui est écrit sur la cabane, ça sert souvent l'été. Parce que l'été, y a surtout la question de l'arrosage. Donc, effectivement, si l'arrosage a été fait, on le marque là, comme ça, la personne suivante ne risque pas d'arroser pour rien. Donc, voilà l'intérieur de la cabane. Et voilà nos outils. Alors, les outils de jardin, bien sûr. C'est bien rangé, hein ? Oui, c'est quand même bien rangé. On a un spécialiste du rangement. Bon. Je ne le nommerai pas parce que sinon il faut que je nomme tout le monde. Donc Mais alors du coup, là, vous avez une grainothèque. C'est vous qui reproduisez vos propres graines ? Oui, alors ça, c'est important. Alors, pas seulement, parce qu'on en achète aussi. On achète aussi des graines chez Coco Pelli, ou enfin, en tout cas, des graines, des semences paysannes, plus exactement, bien sûr. Et surtout, chaque fois, on essaye de conserver aussi les graines de nos propres productions, parce que bien sûr, les plantes seront plus adaptées, si elles ont déjà donné une fois, elles seront plus adaptées au terrain. Donc, forte chance qu'elles donnent bien l'année suivante. Voilà, on en a pas mal. Et on en garde aussi chez nous, parce que là, il faut qu'elles soient bien fermées, parce que sinon, on a le rat qui mange les paquets de graines. C'est pour ça qu'elles sont bien rangées dans beaucoup de confitures, en fait. Voilà. Voilà, avec des boîtes, etc. Et donc ça, c'est le classeur dont je te parlais. Avec, l'année dernière, on a fait un planning qu'on a à peu près respecté. Alors ça permet aussi de se projeter plusieurs mois en avance. Avec ici le plan du jardin, effectivement une trentaine de parcelles, enfin 29 là, 30 oui. Voilà, et puis après, donc par parcelle. Par exemple, dimanche, on a fait ces deux parcelles-là, 27 et 25. Donc, normalement, alors parfois, il arrive qu'on oublie, mais on peut toujours le marquer après. On marque. D'ailleurs, je ne retrouve plus. Ah, voilà, 27. Ah oui. Voilà. Donc, oui. Fumier plus lasagne. Et l'autre, c'était, je dis 25, je crois. Oui. Voilà. Et on a ce livre, on voit qu'il a bien servi, parce qu'il est tout usé. Mais c'est quoi ? C'est le guide du jardin bio, qui est intéressant aussi parce que, déjà, il nous donne aussi les associations de légumes. Ça, c'est important parce que, évidemment, on essaye de varier dans chaque parcelle, de ne pas pratiquer de monoculture, mais de mettre ensemble les espèces qui vont bien s'entendre et voilà, de varier au maximum dans chaque parcelle. Par exemple, alors bon, il faut que j'aille au soleil parce que j'ai pas mes lunettes. Mais... Là, j'y vois. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait mis ? Alors, il y a beaucoup de plantes qui s'entendent bien ensemble ou qui ne sont pas... Voilà, association défavorable, tu vois, il n'y en a pas beaucoup au final. Mmh. Et quand il n'y a rien, ça veut dire qu'on peut toujours... Par exemple, on avait des salades récemment. Qu'est-ce qu'on a ? La mâche, par exemple, elle s'entend bien avec le poireau. Et puis, avec les autres aussi. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Mais on essaye de les respecter. Ah ouais, par exemple, la tomate, elle ne s'entend pas bien avec le concombre, le cornichon et le chou. Voilà, par exemple. D'accord, donc ça, c'est ce genre d'informations qu'on peut forcément avoir par la transmission directe avec des jardiniers confirmés, mais voilà, avec aussi un livre qui va nous donner des indications sur les périodes de semis, les périodes de repiquage et les associations. Et aussi, on se sert souvent de cette partie qui est les travaux mois par mois. Ouais. Alors effectivement, en décembre, il n'y a rien à planter, d'après le livre. Après, bon, c'est pas la Bible non plus. Et comme tu disais, ça dépend aussi beaucoup des endroits où on habite, hein, parce qu'il y a des microclimats, suivant qu'on est dans le nord, dans le centre de la France, dans le sud-ouest, ça varie énormément. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, ils disent, dans le sud, prévoir 15 jours d'avance sur les prévisions. Par exemple, là, ils disent semer à partir de mars. Nous aussi, on sait qu'on peut commencer mi-février. Voilà, par exemple. Ou en tout cas, les semis, on essaye d'en faire. Alors, c'est pas toujours facile, les semis. Il faut varier, en fait. Il faut les faire... Parce que la serre, on a accès à la serre du Sicdu, comme je disais tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas chauffée. Donc, pour l'instant, elle n'est pas très, très chaude encore. Et puis après, donc, vous avez aussi des plantes aromatiques. Là, je vois, il y a du romarin, il doit y avoir du thym. Il y a des artichauts. Il y a des plantes qui sont là de façon plus pérenne sur plusieurs années. Donc là, j'imagine, chaque adhérent à l'association AOC peut prendre une petite poignée d'aromatiques. Ah oui, bien sûr. Alors, on a un coin d'aromatique là-bas avec de la menthe, de la verveine. Là, on ne la voit pas parce qu'en hiver, on n'en a plus. Mais elle est excellente, de la verveine citronnée. On fait régulièrement des tisanes. Et aussi, donc, les artichauts, effectivement, c'est des plantes qui, comment on dit, caduques, non ? Oh, je ne sais plus. En tout cas, qui sont là chaque année. Et de même que le cardon, qui ressemble beaucoup à l'artichaut. Et qu'on a fait redécouvrir, qu'on a fait découvrir à pas mal de personnes, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne savaient pas que ça se mangeait. Déjà moi, je ne savais pas. Et en fait, cette année, on les a récoltés et on les a mangés. Alors, la récolte, comment ça se passe ? Vous pouvez venir en autonomie, cueillir ce que vous voulez ? Ou alors, c'est une récolte que vous faites ensemble le dimanche, le jour d'ouverture de votre jardin AOC ? Ou voilà, c'est parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des côtés inéquitables. Il pourrait après y avoir des malentendus entre les membres de l'association. Oui, alors, je pense que ça s'est toujours bien passé. Mais effectivement, c'est sur... Ça repose sur la confiance et sur le... On dit que ça doit être un petit peu proportionnel quand même au travail fourni. C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait que début juillet, qui ramasserait tout parce qu'il serait venu une fois et qu'on aurait une superbe collecte ce jour-là. Alors, en général, on partage et même, je dirais même plus que les gens, au début, n'osent pas prendre de légumes. Alors, c'est même, il faut les encourager et... Et moi, j'aime bien faire ce que j'appelle le cadeau de bienvenue. C'est-à-dire que même la première fois, les gens n'osent pas. Mais je leur dis, mais prends quelque chose parce que c'est ton cadeau de bienvenue. Et après, tu prendras en fonction de ton travail. Mais on ne mesure pas parce que voilà, on se fait confiance et que ça s'est toujours bien passé là-dessus. Voilà. D'accord. Alors, si on finissait sur finalement l'ouverture du jardin AOC, donc sur ce campus de Pessac-Bordeaux, il est en lien, donc ce jardin, avec différentes associations. Et là, on a une fresque sur votre mur qui a été faite de façon participative, non ? Oui, alors moi, je n'étais pas là et je crois que c'était... Alors, je ne sais plus. Dommage, je ne vais pas pouvoir répondre. Je sais que c'est une école, c'est des enfants qui ont fait la fresque. Et je ne connais pas le détail du partenariat. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est l'alimentation à travers le temps. Et c'est des images qui sont peintes un peu en mode de graffiti ou dessin. Et ça part du temps préhistorique où on voit des chasseurs-cueilleurs qui se débrouillent pour l'alimentation jusqu'à les différents légumes qui ont été cultivés, mangés, Moyen-Âge, Renaissance, aujourd'hui. Et demain, c'est un petit peu triste, non ? On voit un caddie. Ah, alors c'est vrai que moi, je ne la vois plus parce que c'est vrai. Mais oui, effectivement. Effectivement, alors, je ne sais pas du tout comment... Alors, voilà, on espère que l'alimentation de demain, ce ne sera justement pas uniquement des fruits et des légumes dans un caddie. C'était peut-être une critique, justement, de notre société de consommation. Et ce, finalement, contre quoi lutte directement, on va dire, hein, par la pratique du jardinage, les gens au sein de votre association AOC. Oui, sachant que les enfants, on en a que parfois qui viennent. Parce qu'on a des riverains qui sont grands-parents et qui amènent leurs petits-enfants. Et les enfants sont tout naturellement, je dirais, portés à comprendre, à être intéressés par ça, par le jardin. Mettre les mains dans la terre, au final, oui. C'est quelque chose de tellement humain qui nous fait retrouver nos racines. Oui, complètement. Maintenant, c'est devenu une nécessité, sans doute, mais... Oui, il y a quelque chose de fondamental qu'on retrouve et qui fait beaucoup de bien. Les gens qui viennent ici, chaque fois, disent « ça me fait du bien » ou « il faut que j'y aille, ça va me faire du bien ». Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de travail à faire à la maison. Et même quand ils arrivent à interrompre leur révision pour venir ne serait-ce qu'une heure ou deux, c'est pas non plus la peine de fournir un travail de titan chaque fois qu'on vient. Mais on peut venir, comme je disais, dans un esprit convivial. Et voilà, ça fait du bien en plus. Ça fait du bien, oui. Ça fait du bien de jardiner, puis ça fait du bien après de manger la petite tomate qu'on a ramenée. Elle a tout de suite meilleur goût que celle qui peut venir d'ailleurs. Ah oui, alors je pense que ça, c'est sûr, au niveau du goût. Mais je pense qu'il n'y a pas que le goût. Il y a un plaisir indescriptible, donc je vais me taire. C'est franchement, c'est pas de la fierté, mais c'est parce que j'aime pas trop ce mot, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un plaisir que des gens connaissent sans doute depuis longtemps, parce qu'avant, ça se pratiquait. Beaucoup plus, mais maintenant on vit beaucoup dans les villes et on a perdu ça. Mais c'est une satisfaction, une très grande satisfaction, oui. Tu la savoures, tu la valorises beaucoup plus. Oui, et tu la partages, j'avoue, tu le partages, oui. Ok, merci. Merci. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.